Helmut Perchu, comment Oui. vas-tu? Oh, très bien, mes amis, très bien. Mais vous avez entendu? Quoi? Les poulets font le tapin en bois de Boulogne. Bon, moi, j'ai rien contre les putes, hein. J'ai même de la famille dans le business. Mais faut pas exagérer non plus. En plus, s'il avait été intègre, il aurait tapiné en uniforme. Mais en plus, je suis sûr qu'il aurait fait un carton avec sa matraque luisante, ses menottes rigides et son gros calibre chargé à rabord. Eh ben non, au lieu de ça, il s'est mis en barésie, le chamois. Vous allez voir que ça va créer des confusions, tout ça. Mais parce que c'est ma tenue à moi, les barésilles. Je suis sûr qu'un de ces quatre, je vais me faire choper dans la rue par un plaisantin qui va me dire un truc du genre « Alors, la flicaille, tu me mets une prune ou tu me chottes les burnes ?» Le type, il s'est fait attraper et il dit que c'est pour arrondir ses fins de mois. Ouais. À mon avis, il n'y a pas que la fin du mois qui voulait se faire arrondir, le marsouin. Non, parce que c'est quand même facile pour les poulets de se faire doubler en plus du salaire. Enfin, moi, je dis ça, j'en sais rien. Je sais seulement que si je rentrais dans la police, je serais grave un ripou sa race. Je vendrais de la coke dans les lycées, de l'alcool dans les crèches, des climatiseurs défectueux dans les maisons de retraite, etc., etc. Non, moi, je suis persuadé qu'il est de la sacoche, le perdreau. Et que c'est son truc, le bois, pour aller s'éclater la truffe entre collègues de la braguette arrière. Du moment qu'il fait pas ça pendant ses heures de travail, y a pas de mal. Non, moi, je vous le dis, le truc qui me chiffonne, c'est qu'il s'habille comme moi pour aller se faire humilier derrière les platanes de la porte d'Auteuil. Ou alors, c'est une grande campagne de réhabilitation de la police qui commence. C'est possible. Dominique de Villepin, le nouveau ministre de l'Intérieur, souhaite enterrer ces sordides affaires de bavure. Alors moi, j'imagine bien le slogan sur les frontons des commissariats. « Amis molestés par erreur, laissez-nous nous racheter. Inscrivez-vous pour les soirées. Matraque au service de Matrique. » Ou alors, c'est une mission poussée trop loin. Si ça se trouve, le poulet, on lui a dit tout simplement de procéder à une immense campagne de vérification des freins, et il a été jusqu'au bout. Enfin, quand je dis au bout, Christophe, je me comprends. Bon, je vous laisse, j'ai rendez-vous avec ma fiancée, la matraqueuse américaine des prisons irakiennes. Je vous raconte tout ça demain. Au revoir, Zen.